Section 32 de l'histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud. Chapitre 7, troisième partie, les Lancastres. Règne du Parlement par Charles Bémont. Henri IV. Un chef de parti poussé au pouvoir par un coup de surprise ne peut se flatter de régner en paix. Le roi détrôné avait des partisans qui se soulevèrent en 1400. Ils furent écrasés et, ceux compris, furent tués sans jugement comme sans pitié. Quant à Richard II, on apprit bientôt qu'il venait de mourir au château de Pontefract, où il avait été enfermé. Il y a de sérieux indices pour croire que cette mort n'était pas naturelle et que Henri IV l'ordonna. Peu après, les Gallois se soulevèrent. Un d'eux, Owen Glandover, prit le titre de prince de Galles et réussit à se maintenir indépendant durant plusieurs années. Parmi les prisonniers qui tombèrent entre les mains se trouva Edmund Mortimer, comte de March, gendre de Lionel de Clarence. La sœur de Mortimer avait épousé Henry Percy, fils du comte de Northumberland. Henry Percy, Harry Hotspur, comme on l'appelait. Celui-ci accusa Henri IV d'avoir, dans un intérêt purement dynastique, refusé de payer la rançon de Mortimer et prit les armes. Il fut vaincu à Shrewsbury et tué. Son oncle fut pris et décapité. Son frère jeté en prison, 1403. Deux ans plus tard, c'est l'archevêque de York, Richard le Scrope, qui fomenta une nouvelle révolte dans les mêmes régions. Il fut battu, pris et, malgré l'opposition du chef juge Gascogne, mis à mort. Les Lancastres aimaient le sang. L'Écosse enfin s'agita, poussée de nouveau par la France qui refusait de traiter avec le roi usurpateur. Mais quand Robert III Stuart, note, à David Bruce, 1328 à 1370, succéda son neveu Robert II, Stuart, 1366 à 1390, et à celui-ci, Robert III, 1390 à 1406. Fin de note. Il voulut envoyer à la cour de Charles VI son jeune fils Jacques. Celui-ci fut capturé en mer par les Anglais et conduit à Londres, où, disait ironiquement Henri IV, il pourrait apprendre aussi bien le français qu'en France. Cet otage lui garantit la paix du côté de l'Écosse, 1406. L'assassinat du duc d'Orléans, adversaire passionné des Lancastriens, la mort du vieux Northumberland, tué au moment où il essayait de reconstituer son parti, enfin la soumission de la Galles du Sud, 1408, permirent au roi de respirer. Les Lancastres, le Parlement et l'orthodoxie. La politique de Henri IV et de ses successeurs fut imposée par les circonstances. Elle fut résolument conservatrice et sincèrement constitutionnelle. Élu par le Parlement, Henri IV gouverna d'accord avec lui. Richard II avait, pour fortifier le pouvoir royal, concentré toute l'autorité dans le conseil privé, réorganisé Privy Council, 1386. Après la Révolution de 1399, le roi laissa le Parlement désigner les membres de ce conseil et d'un coup écarta une cause de conflit entre ces deux grands corps de l'État. D'autre part, il s'appuya sur le parti orthodoxe. Il combattit résolument les Lollards, pour qui son père avait eu des tendresses. Il approuva le statut de Aeretico Comburendo, qui fut la première loi spéciale promulguée en Angleterre pour étouffer une opinion religieuse. Son fils aîné fut plus rigide encore, On connaît l'histoire de ce malheureux. Il s'appelait Badby, qui fut condamné au bûcher en 1410. Comme aux premières atteintes des flammes, il criait miséricorde, le prince fit écarter les fagots allumés, invita le patient à se rétracter et sur son refus ordonna tranquillement de consommer le supplice. Animé de pareilles dispositions, le roi ne pouvait laisser attaquer la puissance temporelle du clergé, comme l'avait fait avec tant de virulence Wycliffe et ses disciples. Les communes ayant demandé la confiscation des biens du haut clergé, qui aurait suffi, disait-on, pour entretenir 15 comtes, 1500 chevaliers, 6200 écuyers et 100 hôpitaux, Henri IV refusa d'écouter cette pétition et ne voulut accepter d'argent que de l'impôt. Henri V. Il n'avait pas fallu moins de 8 années de lutte ingrate pour affermir Henri IV sur son trône. Du moins, il put le transmettre paisiblement à son fils aîné le 20 mars 1413. Le prince Henri, qui avait 13 ans à la Révolution, s'était signalé de bonne heure par sa bravoure. Comme le prince noir, il était encore adolescent quand il gagnait ses éperons. Mais ce fut dans la guerre civile à Shrewsbury, prince de Galles en 1404 et lieutenant du roi contre les Gallois, il mena contre eux plusieurs campagnes difficiles et sans gloire. Il fut encore connétable de Douvres, garde des cinq ports et capitaine de Calais, 1409, fonction qui l'initièrent aux choses de la marine et aux affaires de France. Au conseil privé où il assistait souvent, il apprit le détail de la politique. Henri IV appréciait les services de son cher fils et l'en récompensa souvent. Qu'il y ait eu entre eux quelques refroidissements, plus ou moins passagers, il est difficile de le nier, mais on a certainement exagéré le fait de sa portée. On a dit aussi que le prince avait mené une vie de tapage et de débauche et qu'il faillit un jour être conduit en prison pour avoir frappé le chef juge Gascoigne siégeant à son tribunal. Ce récit n'est qu'une fable imaginée par une moraliste politique du XVIe siècle. D'autre part, on sait que, devenu roi, Henri s'excusa des péchés où avait induit les entraînements de la jeunesse. Il ne faut sans doute voir dans cet aveu d'un prince dévot qu'un excès de contrition. Henri fut en effet un mystique et il exagéra ses fautes pour se donner la douceur de les détester davantage. Il n'eut donc pas à changer de vie en arrivant au trône, mais il y trouva d'autres devoirs et se donna tout entier à son métier de roi. Il était lettré, gracieux dans ses manières et noble dans son maintien. Magnifique, sans prodigalité inutile, chimérique au point de caresser longtemps l'espoir de conduire à la croisade son armée victorieuse des Français, tenace dans les droits qu'il tenait de ses aïeux, caractère noble, mais esprit étroit, il ne fut pas un grand politique. La guerre de France lui fournit l'occasion de triomphes militaires et de succès diplomatiques inespérés. Il la conduisit d'ailleurs avec un esprit de méthode qui fait honneur à son talent d'administrateur et avec une insensibilité qui étonne si l'on ne réfléchit pas que la lutte avait pris un nouveau caractère depuis les humiliations subies dans les dernières années d'Édouard III et sous Richard II. Ce n'était plus une querelle de succession entre deux rois, ni de fructueuses opérations de pillage. C'était un duel à mort entre deux peuples ennemis. Conspiration du comte de Cambridge, les Lollards et Oldcastle. La première expédition de Henri V fut retardée par une conspiration qui avait pour but de tuer l'usurpateur Henri de Lancastre et de mettre sur le trône le comte de March, arrière-petit-fils de Lionel de Clarence. À la tête du complot était le comte de Cambridge, petit-fils d'Édouard III et fils cadet d'Edmond, duc d'York. C'était comme un avant-coureur de la guerre des deux roses. L'activité du roi prévint les conjurés. Ils furent arrêtés et Cambridge exécuté, 1415. Il eut plus de mal avec les Lollards, Sans former un parti organisé, ceux-ci reconnaissaient pour chef Sir John Oldcastle, qui, par sa femme, s'intitulait aussi Lord Cobham. Il avait servi avec distinction dans les campagnes de Henri IV. Il était l'ami familiari de Henri V. Mais celui-ci détestait les récits. Oldcastle fut jugé, condamné et enfermé à la tour. Il réussit à s'échapper et tenta, dit-on, un coup de force avec l'appui des gens de Londres. Ses principaux partisans furent arrêtés nuitamment et y disparut, 1413. 4 ans plus tard, on le retrouve en Galles, où, disait-on, il préparait une insurrection. Arrêté après une résistance opiniâtre, il fut devant le Parlement reconnu coupable de haute trahison et envoyé au supplice. Il fut pendu et brûlé, 1417. Henri, alors absent sur le continent, ne put qu'approuver cet acte de foi. Mort de Henri V, minorité de Henri VI, Gloucester et Beaufort. On sait comment ce roi, l'héritier de France, mourut prématurément à l'âge de 39 ans. Il s'était acquis un renom militaire incomparable, mais il n'avait rien fondé. Et il laissait pour porter ses 2 couronnes un enfant de 9 mois. Avec lui finit l'âge héroïque de l'Angleterre en Moyen Âge. Son frère puîné, le duc de Bedford, déploya en vain de rares talents diplomatiques et militaires. Il ne put empêcher la France de retrouver son génie avec Jeanne d'Arc, et il ne survécut pas au traité d'Arras, qui préparait la ruine de l'établissement anglais sur le continent, 1435. Son frère, le duc de Gloucester, que le Conseil et le Parlement avaient nommé protecteur, ne fut qu'un intrigant. Il avait dans le Conseil un puissant rival, qui était son oncle Henri Beaufort, évêque de Winchester et depuis 1428 cardinal. Il ne songea qu'à lui, disputer le pouvoir en flattant le parti populaire et en attisant les passions anticléricales du Parlement, qui reprochait à Beaufort ses richesses, ses opinions modérées, même à l'égard de la France, et son titre de cardinal. Pouvait-on, disait Gloucester, servir 2 maîtres à la fois, le pape et le roi? Mais il se perdit par ses mauvaises mœurs. Il avait épousé Jacqueline, comtesse de Hollande et de Hainaut, bien que son mari vécût encore, 1424, et il l'abandonna en 1440 pour épouser sa maîtresse, Éléonore Cobham. Pressé de régner, puisque son époux était le plus proche héritier du trône, la nouvelle duchesse de Gloucester eut recours à des sortilèges pour faire mourir le jeune Henri VI. Cette manœuvre fut éventée. La sorcière dont la duchesse avait employé les maléfices fut brûlée et elle-même jetée en prison. Cette disgrâce rejaillit sur Gloucester. Gloucester et Suffolk. D'ailleurs, le jeune roi grandissait. Il avait été couronné en 1430 et Gloucester avait alors perdu le titre de protecteur. En 1442, il commença de régner par lui-même. Il s'entoura de conseillers hostiles à son oncle, dont la conduite scandaleuse lui faisait horreur. En réalité, il tomba sous l'influence de William de la Pole, comte puis duc de Suffolk. Ce dernier réussit à conclure une trêve avec la France et fit épouser à Henri VI Marguerite d'Anjou, 1445. Mais celle-ci était française, fille d'un duc ruiné, d'un roi sans royaume, et elle n'avait pas de dot. Aussi fut-elle du premier moment et pour toujours impopulaire. Gloucester essaya de mettre à profit cette circonstance pour intriguer encore. Il fut arrêté, traduit devant le Parlement pour crime de haute trahison, et mourut à temps pour échapper au supplice, 1447. Beaufort le suivit de près au tombeau. Suffolk put alors se croire maître de la situation, mais on lui imputa les revers des Anglais en France, et il fut arrêté à la requête de la Chambre des communes. On n'osa lui faire son procès. Il eut compromis le conseil tout entier, et le roi même. Henri VI, pour calmer les communes, lui ordonna seulement de quitter le royaume pendant 5 années. Suffolk venait de s'embarquer pour l'exil quand un navire qui épiait son départ lui barra la route. Il fut saisi par l'équipage et décapité 2 mai 1450. Sa succession éveilla des convoitises, d'autant plus ardentes que le roi était plus faible d'esprit et la reine plus détestée. La guerre des deux roses sortit de là. Fin de la section 32, lue par Sandra près de Montréal, 2023.